Timide avec les micros. Il y a une histoire d'un maître zen. Autrefois, il y avait un maître zen qui habitait au bord d'un lac. Et il avait un ami qui habitait de l'autre côté. C'était un grand lac. Pour faire le tour à pied, il fallait très longtemps. Et donc, il avait un système de barque. Et une nuit, ce maître ne dormait pas, parce que c'était la pleine lune. Et souvent, on ne dort pas bien la pleine lune. Et alors, il a eu l'idée de vouloir boire du thé et de le faire avec son ami. Et donc il a tout préparé, le thé, les tasses, l'eau chaude. Et il a tout embarqué et il a traversé le lac avec la barque en pleine nuit. Et au moment où il est arrivé sur l'autre berge et dans la hutte de son ami. Tout d'un coup, il s'est dit, mais mon ami est en train de dormir. Pourquoi je vais le réveiller? Juste pour satisfaire mon propre désir de boire du thé avec lui. Et pensant cela, il est remonté dans la barque et il est revenu dans sa hutte sans réveiller son ami. Parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait, il avait besoin de satisfaire son désir seulement, pas vraiment d'être avec son ami. Donc il aurait réveillé son ami uniquement pour satisfaire son désir. C'est pareil quand on vit en communauté, dans une communauté de pratique. Si on fait quelque chose uniquement pour notre propre plaisir, ça ne génère pas de l'harmonie et ça ne génère pas de la fraternité. Il faut garder la présence d'esprit que dans toutes nos actions, nous pouvons avoir envie de satisfaire un désir plutôt que de faire autre chose. Il y a dans le bouddhisme, il y a quelque chose qu'on appelle les quatre états incommensurables ou les quatre états illimités. Et le premier, c'est l'amour. Maitri, c'est l'amour. Ce genre d'amour, c'est pas l'amour qui satisfait le désir ou l'envie. Et Maitri, ça vient du mot, c'est un mot sanskrit, mais qui a pour origine le mot Mitra, en sanskrit aussi. Et Mitra, ça veut dire ami et amitié. Donc le mot amour, en fait, vient du mot amitié. Et c'est tout le contraire du désir, de l'envie. En tant que pratiquant, si on arrive à appliquer et à mettre en œuvre cet état de l'amour, donc c'est l'amour désintéressé, détaché, on va être soi-même, vraiment soi-même, parmi les autres amis. C'est très important. Parce qu'on fait beaucoup de choses avec des énergies d'habitude qui nous commandent, qui conduisent notre vie uniquement pour satisfaire quelque chose. À peu près ceci. Ce jardin est rempli de fleurs magnifiques. Nul besoin de les cueillir. Elles s'offrent à nous, à nos regards, naturellement. Et nous voyons profondément leur nature de nos morts et de nos naissances. Dans la pratique, si on peut être là pour soi-même, vraiment présent pour soi-même. Alors on sera vraiment présent pour tous les autres. On sera vraiment là. On ne fera pas quelque chose qui va nourrir une envie d'avoir quelque chose, un désir par rapport à quelqu'un. Les fleurs sont magnifiques. Mais je n'ai pas besoin d'aller les couper. Juste les contempler. Je n'ai pas besoin d'aller les mettre dans un vase pour qu'ils soient plus proches de moi, pour rendre quelque chose, un endroit plus beau, ou juste pour que ça me plaise. Une fleur n'a rien à faire pour être une fleur. Et si nous pratiquons l'amour l'amour détaché, on n'a rien à faire pour être nous-mêmes. bien pratiquer ce genre d'amour-là, il faut aussi pratiquer la compassion. En sanskrit, c'est le mot karuna. La compassion. Thay nous a expliqué que le mot compassion est un mot un peu difficile, parce que compassion, ça veut dire souffrir. Souffrir avec. Et si on pratique la méditation, on ne doit pas souffrir. Comme le médecin qui soigne ses patients, il n'a pas besoin d'avoir la maladie du patient pour le soigner. Donc dans notre pratique, on n'a pas besoin de souffrir en même temps que l'autre personne pour l'aider. Parce que si on souffre, alors on ne peut plus rien faire. On a besoin de... Donc le mot compassion, on va plutôt le traduire par... Et ça, c'est la pratique, c'est l'écoute. On peut écouter un ami ou une amie qui souffre, l'écouter en silence, avec beaucoup de bienveillance. C'est ça, c'est tout ce qu'on a à faire. Pratiquer l'écoute profonde, donner la liberté à l'autre personne de s'exprimer, d'ouvrir son cœur. C'est très important dans une communauté de pratique, mais c'est très important à la maison aussi. Le premier endroit pour la pratique, c'est la maison. C'est dans sa famille. Le premier monastère, c'est à la maison. Et la première personne avec qui il faut pratiquer l'amour bienveillant, la compassion, c'est soi-même. En nous, il y a quelque chose qui s'appelle l'enfant intérieur. Et cet enfant, même après 50 ans ou 60 ans, cet enfant est toujours là. Et nous avons souvent tendance à ne pas très bien traiter cet enfant-là. Peut-être parfois dans la vie de tous les jours, on fait quelque chose et puis on a raté et on se fâche contre soi-même. Ah, mais que je suis bête. Et en fait, à chaque fois qu'on fait ça, c'est comme si on adressait un regard sévère à un tout petit de 4 ou 5 ans. À cet âge-là, on est très sensible à ça. Sauf que là, on le fait, ce petit-là, c'est nous. Dans la vie d'adulte, on fait encore des choses comme un enfant de 5 ans. Et quand on se fâche contre soi-même parce qu'on rate quelque chose, on blesse cet enfant-là. Donc ça, il faut faire attention. Quand on rate quelque chose, c'est pas grave. Si on se met en colère soi-même, contre soi-même, c'est pas trop bien. L'amour et la compassion, ça va ensemble. Pour aimer quelqu'un, il faut le comprendre. Et pour le comprendre, il faut l'écouter. Parfois, il faut longtemps, il faut beaucoup de patience. Et regarder profondément la souffrance de l'autre personne. Surtout si c'est une personne qui nous fait du mal ou qui nous martyrise un peu. Tout le monde a des souffrances. Tout le monde a des faiblesses. Le jour où on voit vraiment cela chez l'autre personne, si c'est vrai, alors ça ouvre le cœur. Et à partir de là, on commence à l'aimer. Et c'est ça l'amour maitri. Et peut-être à partir de là, on commence à l'écouter aussi. Où on lui donne la liberté de pouvoir s'exprimer. Parfois, la violence d'une personne envers une autre cache une grande douleur, une grande souffrance. Mais tout cela est bien triste, alors on va y mettre un peu de joie là-dedans. Le troisième état, c'est la joie. Mudita, la joie dans la pratique. Parce que quand on a des gens autour de soi qui sont un peu dans la douleur ou dans la souffrance, si on ne sait pas se nourrir soi-même, comment on va faire ? On va suivre, on va être emporté. Si vous regardez Thaï, il a grandi dans la guerre, hein. C'est quelqu'un qui a grandi dans la guerre. Donc la guerre, c'est nous, on n'a pas connu la guerre. Je pense pas. C'est quand même difficile. Hein. Et Thaï a pu pratiquer pendant la guerre. Parce qu'il a su se nourrir des choses qui apportent de la joie, du bonheur. Et là, la première pratique, c'est marcher, tout simplement. Pouvoir marcher, pouvoir respirer. Librement, librement. On peut se nourrir rien qu'avec ça. Si on a des douleurs physiques ou une maladie, on peut encore faire ça. On peut respirer. J'ai une douleur physique, chronique. Et quand je souffre, je m'assois ou je marche. Et je dirige mon attention sur la zone douloureuse pour embrasser cette douleur avec tout l'amour dont je suis capable. Et je respire calmement et j'envoie mon sourire à la douleur. S'il y a une personne qui m'a fait souffrir, en retour de la violence, moi j'ai toujours apporté quelque chose de paisible. Quand on marche, il faut voir les choses, les belles choses qui nous entourent. Respirer librement, peut donner beaucoup de joie. Et le fait de cela, on peut avoir beaucoup de bonheur aussi. On peut être heureux. Et il n'y a pas besoin d'attendre un certain nombre de temps, de mois ou d'années pour y arriver. On peut le faire très vite. Il n'y a pas besoin d'attendre d'arriver quelque part. Thaï nous dit, vous pouvez être libre et heureux dès le premier pas. Bon, c'est facile à dire. C'est moins facile à faire. Et quand on marche librement, comme ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas la tête lourde avec toutes nos préoccupations habituelles, alors le cœur est ouvert. Et vous pourrez voir des choses dans la nature qui sont très belles. Le plus grand artiste, c'est la nature. Par là-bas, on a vu des pivoines très belles. Et on a regardé la pivoine. Et Thaï aurait dit, la pivoine nous a souri. C'est parce qu'on est présent pour ça. On est présent pour ça. Et à ce moment-là, on n'a pas de soucis avec quelqu'un qui nous embête ou avec quelque chose qui nous fait mal quelque part. Arriver à se détacher comme ça. Et donc, dans notre famille, dans notre sangha, il y a plein de pivoines. Et si on peut s'arrêter et regarder la personne et simplement sourire. Être vraiment là pour elle. Pratiquer la paix en soi. Marcher paisiblement. Ça va générer quelque chose. Ça va générer une énergie nouvelle, une énergie paisible, qui ne laisse pas la place à la discrimination, au jugement, au regard sur les autres. Et là, on arrive au quatrième état, c'est Upeksha, c'est-à-dire l'équanimité. Il y a une belle image qui a été donnée par Thaï pour ça. Imaginez que vous grimpiez sur une montagne. Peut-être le pic du Midi, je crois que c'est assez haut. Ouais. Et vous regardez au loin tout. Et c'est ça l'équanimité. Parce que vous ne voyez pas toutes les petites choses en dessous. L'équanimité, c'est accepter les différences telles qu'elles sont, sans les juger. Voir les choses de manière égale. Mais tout ça, tout ce que je dis, il faut l'appliquer à soi-même. Quand on s'assoit et qu'on pratique la méditation face à un mur, par exemple, c'est le moins facile. On va avoir plein de choses qui montent en nous. Nous avons plein de choses qui montent en nous. Plein de pensées, plein de soucis, plein de choses. Et c'est normal. Et l'équanimité fait qu'il faut accueillir tout cela d'une manière égale. Et dans chaque état, il y a les trois autres. Si on arrive à accueillir tout ce qui arrive de manière égale, on génère l'amour. On peut avoir de la joie. Et on nourrit, on est à l'écoute de soi-même, c'est la compassion. Juste on s'écoute. Et tout d'un coup, je dis, ah, je vais changer mes jambes, j'ai trop mal. C'est aussi ça, s'écouter. C'est pas se forcer à rester une heure assis si on a mal aux jambes. On a le droit de changer. Le Bouddha a déjà essayé l'ascèse, les souffrances physiques, les mortifications, ça marche pas. Ça n'apporte pas la paix. Si quand on s'assoit, on est trop perturbé, alors c'est peut-être mieux d'aller marcher. Ou de boire un thé. Qu'il tourne. Ah oui, c'est mon tour. Ah, ok. Jean-Pierre vient de parler de quatre qualités incommensurables. Je pense que pour construire la sangha, pour pratiquer la fraternité dans l'art du sangha, on doit offrir beaucoup de dons dans la pratique, beaucoup de dons en soi-même, pour construire, pour renforcer la sangha. C'est pour ça que j'aime bien vous parler maintenant la valeur du don dans le bouddhisme. Quelles sont les différentes sortes de dons et de quelle manière on pratique le don. Le premier don qu'on peut parler, c'est le don physique, matériel. C'est le don du temps, du travail qu'on peut consacrer pour le sangha. Et là, on voit bien que dans une retraite ou un lieu de pratique, on a plein de choses à faire pour que tout aille de mieux en mieux. Balayer, rendre le coussin, mettre la sanitation en ordre, faire la cuisine, réparer du thé, plein de choses. Mais comment on peut faire le don d'une façon correcte? Il faut que le travail qu'on fait pour le sangha se fait d'une façon spontanément, volontairement, et sans contrainte. Ce n'est que dans ces conditions-là que le don, notre travail, notre contribution à la Sangha soit valable. J'ai une petite anecdote à vous raconter. À Liège, dans notre lieu de pratique, au chalet de l'Esprit, on a décidé de changer un levier. Et moi, je suis vraiment un très mauvais bricoleur. Je suis incapable de clouer un clou. Donc, ce n'est pas du tout dans mes capacités de le faire, de monter le meuble et puis caser et puis raccorder les tuyaux. C'est tout à fait hors de ma capacité. Et heureusement, dans notre sangha, il y a une personne qui est tout dans notre assemblée ici, qui est dans l'ordre de son compte, dans l'ordre de ses compétences. Donc, il est porte volontaire de le faire. Le problème, c'est qu'il est tellement occupé professionnellement, dont le travail est reporté de mois en mois. Et je suis vraiment très pressé pour que ranger ce meuble déjà monté et monter le meuble déjà monté, mais il faut ranger dans un coin pour le raccorder. Mais pour moi, il faut respecter le principe de volontaire, de spontanéité. Il ne faut pas frusquer les gens. Il faut laisser les gens travailler, faire volontairement. Donc je dis, chers amis, faites-le quand tu as le temps de le faire, mais jamais, si ça n'a aucune contrainte pour qu'il le fasse maintenant, tout de suite. Malgré que moi, j'ai envie de le dire, mais je ne peux pas. Parce que le principe est là. Il faut que les gens travaillent, participent d'une façon spontanée et avec son cœur et sans jamais pas contraint. Et je pense que la personne est là et est bien entendue de mon message, mais c'est, encore une fois, ce n'est pas une contrainte. Du harcèlement. La deuxième condition, c'est que quand on fait un don pour le Sangha, il faut pas attendre le retour. Et là, c'est un point de rencontre entre le bouddhisme et le tristanisme, le taoïsme et même l'hindouisme quand on parle du don. Parce que dans l'évangile, je pense que quelque part, Jésus dit que quand tu fais un bras, fais quelque chose, l'autre bras ne sait pas. Je ne sais pas exactement comme ça, mais il souhaite comme ça. Dans le taoïsme, il dit la même chose. Les sages agit par le non-agir. C'est-à-dire, il travaille pour le bien-être de tous les êtres sans l'air de faire quelque chose. Hier, j'ai dit que j'ai très compétent de rien faire. En fait, ce n'est pas rien faire, ça veut dire, cela ne veut pas dire que je ne fais rien. Mais fait de sorte que les gens centrent sa liberté sans respecter l'ordre cosmique, comme on a dit ça. Et dans l'hindouisme, Arjuna demandait à Dieu Krishna sur l'action. Et Krishna a répondu, faites-le, mais n'attends rien, quoi que ce soit, de ton action. Ce n'est que dans ces conditions-là que notre action, notre don, soit valable. Et dans l'histoire de la Chine, il y a une histoire très, très connue. À l'époque de Bodhidharma, c'est-à-dire un grand maître zen, au début de la lignée zen, mettait son zen. À l'époque, le roi de Chine, à ce moment-là, a construit plein de pagodes, de temple bouddhiste. Alors, ce roi-là demandait au Bodhisattva, avec tout ce que je fais, est-ce que ça m'apporte beaucoup de mérite? Alors, la réponse de Bodhisattva est extrêmement intéressante. Il dit que ça ne vaut rien, ça n'apporte rien du tout. Parce que si on ne fait quelque chose, on attend quelque chose de retour, de mérite, ça ne vaut pas la peine, ça n'apporte pas. Donc, il faut que la personne qui pratique le Sangha offre son temps, son travail, mais d'une façon volontaire et sans attendre quoi que ce soit de retour. Et c'est très significatif au Vietnam. Il y a un texte qui dit Gu Chua, je ne sais pas si tu connais. Gu Chua. Gu, ça veut dire les biens, Chua, ça veut dire pas autre. L'expression Gu Chua, ça veut dire, ça signifie que ce chose-là est disposé gratuitement. On peut servir gratuitement. Et en fait, c'est ça qu'on pratique dans les pagodes en Asie, au Vietnam, en Chine. Chacun apportait sa contribution, un sac de riz, la nourriture, une bouquet de fleurs, etc. Et tout ça, c'est à disposition de la sangha, des monastiques et des pratiquants qui viennent. Et ils peuvent disposer ça d'une façon libre et sans quoi que ce soit de retour. La pratique ici en Europe, cette pratique-là, c'est peu connu. Et il faut dire qu'à l'époque, au début du village Pugnay, on pratique ce genre de choses. C'est-à-dire, la retraite est tout à fait gratuite. On vient et puis on peut contribuer selon nos moyens, selon nos capacités financièrement pour participer à la retraite. Ce n'est qu'avec le temps qu'on a changé de politique, parce qu'apparemment, la notion du don n'est pas très connue du monde occidental. Maintenant, je passe à le deuxième don. C'est le don du Dharma. Le don du Dharma, ça veut dire que on peut partager, expliquer ce que l'enseignement, le Dharma, aux autres. Et cela n'implique pas forcément qu'on maîtrise tout de l'enseignement du Bouddha, de tout le Dharma. Mais par les simples pratiques, par les simples notre état d'être, on peut être déjà un exemple pour les autres. Au départ de ma pratique, je n'aime pas trop les partages, parce que je trouve que il y a trop de souffrance pendant les partages. Mais au fur et à mesure de ma pratique, je trouve que c'est vraiment à l'occasion des partages. C'est une sorte de fenêtre pour accès à l'enseignement. Parce que c'est tellement abstrait de dire que la vie est souffrance. Mais par le partage, on peut accéder, mais concrètement, ce que c'est la vie des gens. Chaque personne, chaque homme, chaque femme, c'est un monde unique. Et en écoutant les gens, on apprend tellement de choses. Et je pense que le partage, c'est vraiment l'endroit, le Dieu, qu'on pratique beaucoup de dons. À la fois pour celui qui parle et à la fois pour celui qui entend. Et c'est pas cela. Troisième don, troisième type de don. Et c'est par ordre croissant de valeur. Le troisième sorte de don, c'est le don de non-peur. Et selon dans les chaînes de valeur dans le bouddhisme, le don matériel est beaucoup moins valeur que le don de dharma. Et le don de dharma est moins de valeur que le don de non-peur. Mais qu'est-ce que c'est le don de non-peur? En fait, je ne sais pas trop. En fait, je pense que le don de non-peur, c'est la capacité d'aider les gens, de faire face aux difficultés de la vie, de surmonter ces obstacles, ces souffrances, ces peurs. Et je trouve que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Parce que pour aider les gens, il faut soi-même surmonter ses propres souffrances, ses propres blocages, ses propres problèmes. Mais, en fait, c'est quand même pas trop difficile. Parce que, par l'écoute, on peut déjà alléger beaucoup de la souffrance des gens. Au chalet de l'Inspire à Liège, j'ai de temps en temps l'occasion de partager en session privée avec les personnes qui demandent. Et je sens à quel point que le problème, la souffrance est immense. Mais par l'écoute, on peut déjà soulager la souffrance de la personne concernée. Mais bien sûr, l'écoute parfois ne suffit pas. La personne attend quelque chose pour résoudre. Résoudre n'est pas le mot exact, pour faire face à ces problèmes. Alors, je pense que je ne suis pas armé pour le faire. Et en plus, je pense que l'important, ce n'est pas de donner la réponse toute faite à la personne. La place de la personne qui est n'est pas de donner une solution toute faite à la personne. Parce que ce n'est quelque chose de l'extérieur. La personne doit trouver, par un jeu de questions-réponses, trouver par elle-même où se trouve le blocage, ses problèmes, ses difficultés. Et c'est par sa propre lumière qu'une puce fait face à ses problèmes. La lumière ne vient pas de l'autre, la lumière vient de lui-même. La personne qui écoute, qui essaie d'aider, ce n'est que par le jeu de questions-réponses, de l'orienter, de donner un coup de pouce pour que la personne voie mieux. C'est qu'elle fait le miroir pour que la personne trouve où elle se trouve ses problèmes, ses blocages. Et ce n'est que par ce mécanisme-là qu'il peut faire face à ses propres difficultés. Merci, mes grands frères. Puisqu'on parle de fraternité. Voilà deux grands frères que je connais peu et pourtant que je ressens comme des frères. C'est bizarre. D'où ça vient, cette histoire de fraternité? Je me suis posé la question par rapport à cette retraite. Je me suis dit, tiens, c'est quoi cette fraternité? Alors, je suis allée voir les définitions sur Wikipédia, etc. Puis finalement, je ne les ai pas lues. Parce que je me suis dit, oh, c'est pas ça que j'ai envie d'entendre, c'est pas ça que j'ai envie de lire. J'ai plutôt envie de ressentir. Et je me suis dit, tiens, tu vas à Aviotte. Et à Aviotte, tu vas aller à la rencontre de tes frères et sœurs dans le Dharma, de la Sangha belge. Et alors, ça m'a ramené à 2014, lorsque j'ai reçu la lampe, lorsque nous avons reçu la lampe. Tous les trois. Tous les trois. Et je me suis souvenu combien la Sangha belge m'a soutenue. Parce qu'elle était là. Elle était présente. Enfin, certains de la Sangha belge étaient présents. Et en fait, en creusant, en me disant, mais finalement, c'est quoi cette fraternité? Moi, j'aime bien dire sororité, parce que je suis une fille. Et j'ai entendu Thaï parler de sororité. Je trouvais que c'était chouette qu'ils mettent au féminin un mot plutôt masculin. Donc, je me suis dit, tiens, c'est fait de quoi? Qu'est-ce qui fait que je me sens en amitié fraternelle ou sororelle? Je vous existe. On va l'inventer. À quoi c'est dû? Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe dans notre inter-être et à l'intérieur de moi? Et en fait, ce que j'ai pu découvrir, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de vivre une expérience ensemble, déjà. Vivre quelque chose ensemble, être ensemble, à faire l'expérience du vivant et en être conscient. Et ça, c'est énorme, pour moi en tout cas, parce qu'il y a quelque chose de plus que de vivre une expérience ensemble sans s'en rendre compte. Ce qui est quand même assez souvent. Dans ma vie, avant de rencontrer la pratique, j'ai beaucoup vécu d'expériences ensemble sans être là. La présence absente, ça c'est un truc très fort dans ma famille, la présence absente, c'est une spécialité familiale. Il y a ça et l'hyperactivité, c'est deux spécialités familiales. Deux modes dépressifs qui sont opposés, mais qui s'entendent très bien. Et donc cette présence absente, elle a été très présente dans ma vie. Je marchais dans la forêt et je voyais les arbres. Ouais, je les voyais. Hein. Ça me faisait strictement rien. Mais rien de chez rien. Et puis quand j'ai commencé à pratiquer, j'entendais « Ah, oh, ça me nourrit, la nature. Ah, oh, puis je suis nourrie par les enseignements. » Alors moi, rien. Ouais, je me suis dit « Il y a un truc là, ouf. » Je ne suis pas en fraternité avec la nature. Et donc j'ai pratiqué, et ça a commencé à s'ouvrir à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose de l'ordre d'une ouverture corporelle, qui fait que j'ai commencé à regarder les arbres, et les arbres ont commencé à me nourrir. Et j'ai fait un jour un toucher de la terre où je me suis réconciliée avec mes ancêtres. Enfin, je suis en chemin de réconciliation. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé comme un moment où j'étais en lien avec les ancêtres spirituels. Comme si cet endroit de mon corps se refermait, comme un creuset plein. Et à ce moment-là, j'ai pu garder en moi ce que les arbres m'offraient, ce que la nature m'offrait. Et je suis rentrée en fraternité ou en sororité avec la nature. Et là, elle a commencé à me nourrir, ou j'ai commencé à me nourrir de cette nature. Parce qu'elle, en fait, elle est toujours là, hein. Disponible. Si on la voit, si on en profite, tant mieux. Sinon, bah, tant pis pour nous, quoi. Parce qu'elle, elle est là. Donc avec la nature, ça y est, c'est fait. J'arrive maintenant, quand je regarde, pas toujours, hein, pas toujours, mais si j'arrive à être vraiment présente à ce que je regarde, à ce que j'entends, à ce que je sens, donc que mes sens sont ouverts dans cet inter-être avec la nature, alors ça me nourrit. Après, il y a eu les autres, les êtres humains. Ah, c'est beaucoup plus complexe. Enfin, pour moi, pas pour vous, mais pour moi, c'est clair que c'est beaucoup plus complexe. Comment être en sororité avec les êtres humains? Alors, il y a ma famille. Dans ma famille, il y a ma fille. Alors, ma fille, c'est bon. Je suis maman, je me sens profondément maman. J'ai appris au long de ma vie à développer cette présence présente, parce que j'avais cette présence absence, puisque c'était dans mes gènes. On transmet ce genre de choses, hein. Donc j'avais ça en moi, et je m'en suis rendu compte, et donc j'ai pratiqué pour transformer. Et un jour, ma fille, à 2 ans et demi, m'avait dit, on jouait à la voiture. Moi, j'étais derrière le passager, puis elle était le conducteur, et on était sur un carton qui était la voiture, quoi. Et alors moi, j'avais tout sauf envie d'être là, franchement. Hein. J'aimais pas jouer, en fait. Je savais pas jouer avec ma fille. J'ai beaucoup regretté après de ne pas savoir jouer, mais c'était comme ça. Donc j'étais là, quoi. Mais mon corps était là, mais ma tête était alors... Il faut que je fasse à manger, il faut que je fasse un truc pour mes clients. Enfin. Et je sais pas, moi, 5 minutes après avoir commencé à jouer à la voiture, ma fille s'arrête, 2 ans et demi, hein, et elle me dit, on arrête. Bon, je sais pas pourquoi tu veux t'arrêter. Elle me dit, parce que tu fais semblant de jouer. Donc, c'est pas la peine. Et c'était vrai. Je faisais semblant de jouer. Waouh. Et elle avait senti ça, parce que les enfants, ils sentent ça quand on n'est pas présent. Et nos enfants intérieurs, quand on rencontre l'enfant intérieur de l'autre, il sent aussi. Quand cette présence est là, ou cette absence est là. La fraternité, elle naît aussi de ça. De cette qualité de présence, être capable d'être vraiment présent à l'autre. Waouh, c'est du boulot, hein, quand même, parce que c'est pas si simple. Mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que quand il y a une vraie présence, des fois, il n'y a rien à dire. Donc c'est quand même assez cool, quoi. Enfin, c'est reposant parce que il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire, il y a juste à être là. Mais à être vraiment là. D'être dans la présence vivante à soi et à l'autre. Puis je me suis dit, la fraternité avec la sangha belge, elle vient d'où aussi? Qu'est-ce qui fait que j'ai tant de plaisir à retrouver ces membres de la sangha? Et ce que j'ai vu aussi, c'était qu'on pratiquait ensemble. On avait la même pratique. Et donc, on savait les uns les autres qu'on était imparfaits. Et qu'on avait plein de manques, et que c'était ces manques qui rendaient notre relation riche. Parce qu'elles nous obligeaient les uns les autres à accepter que l'autre ne soit pas parfait, et que l'on ne soit pas parfait. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a toujours beaucoup accompagnée dans ma pratique. Parce que, en fait, quand je vois Thaï, je me dis, il est quand même assez parfait, lui. Et du coup, c'est une sorte d'idéal inaccessible. Alors on me dit, mais tu sais, il a souffert. Et en fait, il a des émotions parfois fortes. Et quand je vois son histoire, je me dis qu'effectivement, il doit avoir eu des émotions très fortes. Il a dû beaucoup souffrir. Et quand je le vois au village, avant son accident, je me disais quand même, oui, il a beaucoup souffert, mais qu'est-ce qu'il est bon aujourd'hui, quoi. Il est dans une capacité d'être qui est incroyable. Et puis, il a eu son AVC, son double AVC. Et depuis qu'il a eu son double AVC, moi, je suis touchée. Très profondément. Parce que quand j'ai commencé la pratique, je me suis dit, la raison pour laquelle j'ai commencé à pratiquer, moi, c'est parce que il y avait cette histoire de présence absente, d'hyperactivité, mais c'était pas clair à ce moment-là, tout ça. Mais mon idée, c'était, je voudrais, quand je serai vieille, si mon corps ne fonctionne plus, être en joie. C'était ça, mon truc. Et là, je vois Thaï. Et je me dis, waouh. Et il arrive, alors qu'il a un corps prison, à être en joie. Et ça, c'est fort. Non seulement à être en joie, mais en plus à être présent pleinement. J'étais à la retraite francophone et j'ai eu la chance donc de le voir. Et il a une présence, mais c'est waouh. On était tous à pleurer comme des madeleines. Et lui, il était là, il nous regardait, il souriait. Il y avait une côté qui sourit parce que l'autre, il sourit moins. Et il avait une présence totale, quoi. Et à un moment donné, il a pris la tête de Sœur Dinim dans ses bras avec une tendresse, mais infinie, quoi. Et ça, je me suis dit, voilà, c'est l'amour inconditionnel qui fait partie de cette fraternité qui peut se développer entre nous. Et puis je me suis dit aussi, qu'est-ce qui fait aussi qu'il y a cette fraternité avec cette sangha belge? Et là, ça m'a fait penser à, toujours à la retraite francophone, où il y avait une femme musulmane qui était là. Qui disait d'ailleurs qu'au village, il n'y avait pas beaucoup de musulmans, et que les enseignements étaient beaucoup liés, faisaient beaucoup de ponts avec le catholicisme, mais pas beaucoup avec les musulmans et les juifs, et je trouvais ça assez juste. C'est une autre question que je mets entre parenthèses. Et elle posait une question, elle était dans ma famille, puis elle disait mais comment ça se fait qu'au village, tout le monde s'entend, tout le monde s'entraide, s'écoute, alors que dès qu'on sort, c'est pas ça le monde, quoi. Le monde, il est bien différent. Donc qu'est-ce qui se passe ici, quoi? Et ce qui était exprimé par les uns et les autres, c'était le fait d'effectivement de pratiquer et d'avoir ce désir, cette volition, on pourrait dire au-delà du mot désir, de rentrer en fraternité avec soi et avec l'autre. Il y a une vraie envie, quoi. Il y a une vraie envie d'être en lien vivant avec l'autre, avec ses imperfections. Et on parlait notamment du sourire, de la pratique du sourire. Et moi, je témoignais combien le sourire, quand je suis arrivée au village la première fois, c'était en 99, ils souriaient tous. Moi, j'arrivais pleine de colère. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à sourire là? C'est n'importe quoi, ce truc. Ça m'a agacée, vous ne pouvez pas savoir. Ça a réveillé des graines de violence en moi. Je vois, est-ce que je suis tombée? C'est quoi ce truc de sourire? Bon. Et vraiment, ça m'a agacée. Hein, Et je me suis dit d'ailleurs qu'il fallait faire attention aussi à ce que ça arrose chez l'autre quand on est, quand on sourit. Et puis après, j'ai appris que c'était une pratique. Et qu'en fait, derrière ce sourire, il pouvait y avoir autant de colère que ce que j'avais en arrivant. Donc je me suis mis à pratiquer. Je me suis dit, oh, je vais essayer de sourire, comme ça. Au début, j'étais une grimace, Et puis petit à petit, le sourire s'est installé un peu comme dans les retraites. Hein. On arrive, on a un peu le sourire comme ça. Et puis petit à petit, quelque chose qui descend, parce qu'on pratique ensemble. On s'arrête, on respire, on prend soin les uns des autres, on prend soin de soi. Et il y a un sourire qui s'installe vraiment, quoi. Et quand on se quitte, on a vraiment du sourire intérieur vis-à-vis des uns et des autres. Alors peut-être pas tout le monde, parce qu'on est des êtres humains et... L'équanimité est un chemin, on va dire. Mais ce sourire, il s'installe vraiment. Et moi, je le fais en pratique le matin, avec ce que nous invite à faire Sœur Chan Kong le matin, En m'éveillant ce matin, je souris. Alors je m'arrête et souris. Et en fonction de mon état intérieur, le sourire est très différent. Donc j'attends que le sourire s'installe vraiment. C'est-à-dire j'attends que mon corps sourie. Des fois, ça dure un peu. Hein. Mais voilà, donc je pars de... Et ensuite, j'ai 24 heures toutes nouvelles à vivre et je m'engage à les vivre pleinement et en pleine conscience. Ça veut dire avec moi, ça veut dire être capable de voir ce qui se passe en moi et puis aussi avec l'autre. Et en fait, ce que je vois, moi, en tout cas dans ma pratique, par rapport à la fraternité, c'est que je ne suis pas sûre d'être en fraternité avec chaque personne sur cette terre. Je crois même que je ne le suis pas. Je suis même sûre que je ne le suis pas. Parce que j'ai peur. J'ai peur de l'autre. L'autre me fait peur. Il y en a certains. Il y en a des qui me font peur. Et puis il y en a d'autres qui ne me font pas peur. Donc, je pratique. Et quand je pratique, qu'est-ce que je fais ? Je vais voir ma peur. Et j'embrasse ma peur. Et je parle à ma peur. Et je dis, mais qu'est-ce que tu as à me dire, ma peur? Alors, Sœur Yacnim dit, appelez-la votre petite peur, ça lui donne moins d'importance. J'aime bien. Alors, qu'est-ce que tu as, ma petite peur? Des fois, elle est énorme, hein, mais qu'est-ce que tu as, ma petite peur? Qu'est-ce que tu as à me dire? Et petit à petit, au fil des années, elle me dit plein de choses, ma peur. Elle me parle de l'histoire de mes ancêtres, c'est-à-dire une histoire d'exil, de migrants. Elle me parle donc de la peur de l'autre. Elle me parle des fausses peurs. Elle me parle de ma peur d'être en capacité à accueillir l'autre dans sa différence. Elle me dit plein de trucs. Alors petit à petit, je chemine et je transforme. Mais c'est un long chemin et je crois que jusqu'à ma mort, en fait, je transformerai cette peur. Peut-être le jour de ma mort, je n'aurai plus peur. Peut-être. Pas sûr. On verra. On verra. J'aimerais. J'aimerais bien mourir sans avoir peur. Ça, ça me plairait beaucoup. Mais bon, on ne sait pas. Hein. Et puis, je peux vous parler aussi de la fraternité à l'intérieur de moi, de mes cellules. Parce qu'en fait, moi, c'est cellulaire, la question de la fraternité. Parce que je vous disais au début, il y a de la présence absente et de l'hyperactivité dans mes cellules, dans mes gènes. Et donc, du coup, j'ai à gérer ça, quoi. C'est un peu... C'est pas très fraternel, tout ça. Ça a plutôt tendance à se... à se coincer. Et ça se traduit en... Quand je suis à l'arrêt, quand je suis en méditation, j'ai mal au dos, moi. Mon dos me fait mal. Et en fait, je sais aujourd'hui qu'il me fait mal parce que dedans, il y a un conflit entre une présence absente et une présence vivante et une hyperactivité et l'arrêt. Donc ça se transforme au fil des années. Je transforme ma fraternité intérieure pour pouvoir être en fraternité avec les autres. Et pour terminer, je voudrais vous parler du migrant en moi. Parce qu'à la retraite francophone, j'ai beaucoup rencontré le migrant en moi, qui est une histoire familiale et qui est une histoire sociétale. Et je suis très touchée par les migrants, par ce qui se passe avec tous ces mouvements de personnes qui sont en souffrance et qui quittent leur pays pour aller vers quelque chose de mieux et qui ne rencontrent pas obligatoirement du mieux. Moi, je me retrouve face à mes peurs de... qu'est-ce que je fais, moi? Je fais rien. Sauf à regarder. Pour l'instant, je regarde à l'intérieur de moi, le migrant en moi. Et je vois qu'il est en souffrance. Et quand j'étais au village, à la retraite francophone, j'ai vu les moines et les moniales chanter. J'ai écouté chanter Avalokiteshvara pour ouvrir la retraite. Et j'étais là aussi très touchée. Je suis assez souvent touchée au village, je dois reconnaître. C'est un endroit quand même qui est fort, quoi. Et je regardais donc ces moines et ces moniales de plein de nationalités. Et j'étais très touchée parce qu'en fait, ça venait réveiller le migrant en moi. Et je me disais, si les frontières avaient été fermées quand Thaï est venu en France, eh bien, je ne serais pas au village des Pruniers, parce qu'il n'existerait pas. Et je me suis dit que ça aurait été bien dommage. En 2014, j'étais avec Thaï, juste avant son AVC, en Allemagne, à l'EIAB. J'ai été réquisitionné volontaire par les sœurs de la maison de l'Inspire. Les sœurs vietnamiennes m'ont dit « Jean-Pierre, qu'est-ce que tu fais au mois d'août ?» Rien, c'est parfait. J'ai pas eu le temps de répondre, en fait. Et je me suis retrouvé dans une retraite allemande, où je comprenais rien, et une retraite néerlandaise, où je comprenais moins que rien. Heureusement, le premier jour qui faisait pas partie de la retraite, c'était une journée de pleine conscience vietnamienne. Et c'est très curieux parce que le matin, vers, je sais pas quelle heure il était, 8 heures, j'ai vu des vagues de Vietnamiens arriver, par vagues. Il y a eu 1000 personnes ce jour-là, à peu près. Et ils sont arrivés par vagues. Et c'était des gens du Nord-Vietnam, et d'une tradition un peu particulière avec des... Ils sont laïcs, mais ils ont tous des tuniques marron avec des très grandes manches comme ça. Peut-être Rom y connaît cette tradition. Et depuis 33 ans, j'avais jamais entendu Thaï parler avec l'accent du Nord. Et ce jour-là, puisque c'était des gens du Nord, il a fait tout l'enseignement pendant presque 2 heures avec l'accent du Nord. Mais comme s'il y était né, quoi. C'est tout à fait naturel. En fait, Thaï est né au centre. Et c'était assez impressionnant. Bon, c'est le seul jour où j'ai compris un peu quelque chose. Et je parle de ça parce que cette retraite en plein mois d'août à l'EIAB s'est déroulée dans un climat beaucoup plus humide qu'ici. C'était une vraie mousson. Tous les jours, il a plu comme hier soir. Là. Tous les jours. Et on est resté presque 3 semaines. Et au fil des jours, la température baissait. Et à la fin, il faisait 5 degrés. Alors dans la tente, je dormais pas beaucoup, quoi. Forcément. Et je souffrais du froid, je souffrais de la pluie, je souffrais d'un tas de trucs. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Je comprends rien du tout. Même l'anglais, c'est pas terrible. Vous pouvez me dire plein de trucs en anglais, je comprendrai pas, n'ayez pas peur. Ha ha ha. Et j'avais envie d'abandonner, mais je ne pouvais pas. J'étais réquisitionné volontaire, conducteur des sœurs. Et elle ne rentrait pas avant 3 semaines. Et le matin, tous les matins, la méditation, alors la première semaine, la retraite allemande, tous les matins, à 6 heures, Thaï était déjà assis. Donc c'est quelques semaines avant son AVC. Et il n'était pas du tout en bon état, ça se voyait très clairement. Et il était là, assis. Et je me disais, alors lui, il est pas bien en point, il est un peu plus âgé que moi, et il est là. Alors de quoi je me plains, quoi? Et j'essaye d'être là aussi, quoi. Et un matin, il y a eu, vers la fin de la semaine, une méditation guidée avec sur le papa, sur la maman, sur l'enfant. Le papa, la maman, en les voyant comme ayant 5 ans, étant tout petit. Et curieusement, alors j'ai pas eu besoin de comprendre ni l'allemand ni l'anglais, mais mon visage a ruisselé de larmes. Pendant une demi-heure, mon visage a ruisselé de larmes. C'était à peu près la même chose qu'à l'extérieur, mais à l'intérieur. Il faisait un temps affreux. Et j'ai rien fait pour essayer d'arrêter ça, parce que c'était même pas des sanglots, ça ruisselait tout seul. Et quand ça a été fini, alors j'ai levé les yeux, et Thaï s'essuyait les yeux aussi. Donc c'est là que je voulais en arriver. Thaï a aussi des émotions qui peuvent être très fortes, même avec son niveau de pratique. C'est pas quelqu'un d'insensible, pas du tout. Bien au contraire. Donc, alors après, quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'étais un peu rassuré, quoi, parce que j'ai dit, c'est normal. Ça coule, c'est normal. Il fait le même temps dedans que dehors, donc tout va bien. Et. Alors j'étais un peu démoralisé quand même. Je voyais tous ces Allemands. Alors eux, ils étaient très à l'aise en t-shirt. Moi, j'avais tout le paquetage sur moi. Et eux, ils étaient en t-shirt, pieds nus dans la boue. Et il y avait de la boue partout. C'était affreux. Les petits de 3-4 ans se baladaient presque tout nus, couraient partout dans la boue. J'ai dit, heureusement que je ne suis pas allemand, parce que... J'avais pas vraiment prévu qu'il ferait mauvais. Donc pendant presque 3 semaines, j'ai gardé tous mes vêtements les mêmes. La nuit et le jour. Et un jour, quand Thaï est arrivé pour l'heure de l'enseignement, alors moi je restais dehors. Il y avait c'est comme ici, des tentes, je sais pas comment ça s'appelle, pour rester dehors, je restais là. Et un jour, il arrive pour l'enseignement, et comme il fait d'habitude, il marche directement. Et tout d'un coup, le voilà qui bifurque vers moi, et juste pour me saluer, en fait. Il savait que j'étais là, bien sûr. Et il vient juste vers moi, comme ça, il fait un petit S, comme ça. Et quand il arrive juste à ma hauteur, hop, il tourne la tête vers moi, il me fait un grand sourire, comme ça, et il fait des grands gestes, et puis il s'en va, terminé. C'était le dernier sourire, avant sa maladie. Mais c'est quelque chose que je garde, qui me réchauffe. Je suis pas triste de ça. Même si à ce moment-là, j'ai vu que... On dit toujours la fin est proche. Oui, ça se voyait. La fin, dans son état normal, était proche. C'était clair. Et je pense qu'il y avait une grande tristesse collective, en fait, puisque tout le monde peut voir et ressentir. Mais il est venu vers moi et il m'a offert un sourire merveilleux, quoi, plein de chaleur. Lui, il n'était pas triste du tout. Moi, j'avais fait un petit poème dans ma tente, sous l'orage. En plus, il y avait des orages. Et ma tente était sous des grands arbres. J'ai dit, il y en a un qui va me tomber dessus tout d'un coup. Je n'étais pas vraiment rassuré. Et j'ai fait un petit poème comme ça. Au petit matin, la terre tremble, l'orage gronde. Tout au fond du jardin, les chrysanthèmes s'épanouissent. C'est-à-dire le premier vers, je suis un peu démoralisé quand même. Vraiment démoralisé. Je caillais à mort, je tremblais de partout. J'avais peur que l'arbre me tombe sur la tête. Mais les chrysanthèmes, c'est nous, c'est les pratiquants. S'épanouissent, ça veut dire que mon maître, il est là, il est malade, il tient plus debout, il tenait plus debout, hein, avec grande difficulté, quoi. Mais il est quand même là à 6 heures du matin. Et il était là pour nous. Je savais très bien que ces intendants, tous les matins, le tirait, hein, il s'allongeait, il le tirait. Il lui disait, allez, il faut que tu viennes pour faire la marche. Et Thaï a répondu à ses intendants, mais non, je ne peux pas me lever. Je ne peux pas me lever, donc comment je peux marcher? Ils disaient, mais si, tu vas y arriver. Ils ont répondu, mais si, tu vas y arriver. Ils l'ont mis debout. Et Thaï a fait la marche tous les jours comme ça. Mais au moment où il a fait la marche méditative, vous n'auriez pas pu dire s'il tenait debout ou pas. Il était très stable. Très stable et il y avait beaucoup d'énergie, de paix qui émanait de lui. Donc je dirais, peut-être n'attendons pas la fin de notre vie pour ne plus avoir peur. Il faut essayer de ne plus avoir peur tout de suite. Dans le zen, on dit souvent, si vous voulez être vraiment vivant, il faut mourir tout de suite. Mais il faut expliquer cette phrase. Il faut juste mourir de nos connaissances. Il faut tout lâcher. Quand on vient dans une retraite, alors c'est le bon moment, ou un monastère, alors à ce moment-là, on essaye, on s'exerce, on essaye. On lâche tout. On a un gros sac à dos derrière, plein de souffrances, et on va le laisser dehors. C'est ça, dans le zen, mourir tout de suite, c'est ça. Abandonner nos vues fausses, nos afflictions. Ça, tout le monde peut le faire. Et Thaï nous l'a souvent dit, n'attendez pas d'être quelque part, n'attendez pas quelque chose. C'est tout de suite. Être joyeux, c'est la joie, c'est une pratique. C'est pas un chemin qu'on doit suivre pour arriver quelque part. pour avoir la joie ou la paix. Non, c'est le contraire. On pratique la joie et c'est ça le chemin. C'est vraiment... Je parle de ça parce que moi, je ne suis pas très doué. Et à chaque fois, il m'a vu, il m'a grondé comme ça. Et la dernière fois, c'était à la lampe, il y a 2 ans. Avec mon poème qui... les 3 premiers vers, c'est que de la douleur. Et les 3 derniers, bon, c'est la transformation, mais quand même, dès qu'il a fini, il s'est mis à chanter en me regardant d'un air un peu de travers, comme ça, le bonheur, c'est maintenant. Et puis, quand ça a été fini, les sœurs m'attendaient de l'autre côté, et elles m'ont rencontré, et elles rigolent, et disent, Jean-Pierre, le bonheur, c'est maintenant. Ouais, j'ai compris. C'est à la vietnamienne, quoi, en douce, comme ça. Tu veux rajouter ? Non. Tu veux un petit thé ? Non. Non. Qui veut boire du thé ? Pour terminer, peut-être, je voudrais juste dire un mot sur la joie. Moi, j'ai appris avec la pratique à cultiver la joie. Parce qu'en fait, ça se cultive. C'est comme les fleurs. Ça vient pas comme ça, quoi. Enfin, en tout cas, pas pour moi. Et alors, comment je fais pour cultiver la joie? Je vais vous donner mon truc à moi. J'ai un pont. Enfin, j'habite dans un immeuble à Lyon qui est face à la Saône. Et pour aller prendre le métro, il faut que je traverse le pont de Wattigny. Wattigny, oui, c'est ça. Wattigny. C'est un pont rouge à la Brooklyn. Il est tout mignon. Il est devenu piéton. En plus, il est vraiment mimi, ce pont. J'aime beaucoup. Et donc, et bizarrement, quand je traverse ce pont, c'est-à-dire quasiment tous les jours, je cultive ma joie. Et comment je fais? Je l'arrose. C'est-à-dire que consciemment, je me dis « Waouh !» Et c'est marrant, c'est là. Je ne sais pas pourquoi c'est particulièrement là. Je me dis, waouh, j'ai des pieds et je peux marcher. J'ai des jambes qui fonctionnent. J'ai des bras qui peuvent porter ce que je suis en train de porter. J'ai des mains qui marchent. Je vois. Bon, il faut que je change mes lunettes, mais quand même, je vois. J'entends, je sens. Enfin, corporellement, tout va bien. J'ai un toit, j'ai un appartement que j'aime bien. Je mange à ma faim, j'ai un métier que j'aime, j'ai une fille merveilleuse. Enfin, je fais la liste comme ça de tout ce qui est magnifique dans ma vie. Il y en a plein, plein, plein de choses. Et là, j'ai un sentiment de gratitude. Et en fait, c'est ça qui cultive ma joie. C'est-à-dire que ça passe par plusieurs étapes de cultiver sa joie. C'est un peu comme quand on cultive son jardin. C'est d'abord une reconnaissance de tout ce qu'on a de magnifique, tout ce qui dans notre vie est vraiment merveilleux et qui souvent est considéré comme normal. Vous savez, c'est ce que Thay nous dit avec les sensations négatives, les sensations positives et les neutres. C'est les neutres les plus importantes. Parce que les neutres, on peut les transformer en positifs. Les négatifs aussi, mais les neutres aussi. Les neutres, par exemple, c'est « j'ai pas mal aux dents ». Quand on a pas mal aux dents, c'est normal. C'est quand on a mal aux dents qu'on s'aperçoit que c'est pas normal d'avoir mal, de ne pas avoir mal. Et donc, c'est l'idée vraiment d'être dans la conscience régulièrement que, ah, tiens, j'ai pas mal aux dents. Waouh, c'est top. Ou j'ai pas mal au dos. Ou je suis en bonne santé. Et si j'ai mal à des endroits, j'ai pas mal ailleurs. Ça n'empêche pas de reconnaître qu'on peut avoir mal à un endroit. Hein. C'est pas du positivisme absolu, hein. Mais c'est reconnaître ce qu'il y a de bon. Ce qui n'empêche pas de reconnaître ce qu'il y a de mauvais. Reconnaître ce qu'il y a de bon. Et développer de la gratitude. Donc c'est une reconnaissance avec de la gratitude. C'est-à-dire vraiment sentir à l'intérieur, merci. Merci pour ça. Alors merci à qui? Merci à la vie. merci à Dieu, merci à Bouddha, merci à qui vous voulez, qui est important pour vous. Ça, c'est vous qui choisissez. Mais c'est vraiment cette gratitude de « Ouais, j'ai vraiment, vraiment de la chance. » Et ça, moi, ça nourrit ma joie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à la surface, il y a plein de vagues dans ma vie. Il y a des trucs qui vont plus ou moins bien, comme tout le monde. Hein. Mais en dessous, c'est joyeux. Alors là, j'ai eu des problèmes de thyroïde et de dents, justement. Alors, ma joie était un peu secouée, quand même, même au fond. Parce que la douleur physique, quand même, c'est pas si simple, je trouve. Mais j'ai quand même réussi à la maintenir. Mais c'est un vrai travail, quoi. C'est comme le jardinier qui cultive son jardin, cultiver sa joie. Et ça, c'est vraiment une pratique qui m'a été offerte par le village et que j'utilise sans modération. Et ça m'a amené à un autre truc que je vous partage, parce que pour moi, c'était intéressant. Et je me dis peut-être que pour vous, ça peut être aussi... Dans la fraternité ou dans le lien familial, un jour j'étais sur mon pont, donc toujours avec ce sentiment de joie, et vraiment ça c'était fort quoi. J'étais vraiment joyeuse. Enfin, c'est pas la joie d'ailleurs. Le mot joie il est un peu difficile parce que c'est plutôt quelque chose d'un sort de calme bienheureux. Voilà, bienheureuse, c'est plus ça que joyeuse, c'est bienheureuse. Voilà. C'est au sens, c'est pas du plaisir, hein, c'est un autre sentiment dont je parle là. C'est quelque chose de calme, voilà, de paisible, de détendu et de confiant. Voilà ce que je mets derrière ce mot joie. Et je me suis dit, tiens, je vais appeler mes parents pour leur dire que je suis en joie. Puis il y a une petite voix à toi qui me dit, oh, bon, non, tu vas leur dire ça, ils vont se dire, allez, quoi, nous frapper notre fille, ça y est, maintenant. Maintenant, elle nous appelle pour nous dire qu'elle est en joie. Là, ça va plus du tout. Ça, ils avaient cette petite voix. Puis, il y avait une autre voix qui disait, mais non, vas-y, appelle-les. Dis-leur que tu étais en joie. D'habitude, tu les appelles pour leur dire que ceci va pas ou ceci va. Mais voilà, appelle-les. Donc, je les ai appelés. Donc, j'ai sorti mon téléphone portable. J'ai fait le numéro au bout du pont. Je les ai appelés. Alors, je tombe sur ma mère. Et je lui dis, alors, ça va? Elle m'a dit, oui, ça va. Et toi, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ben, je t'appelle parce que j'ai un sentiment de joie très profond et je voulais le partager avec toi et avec vous. Et là, elle s'arrête et je me suis dit, elle va. Et elle me dit, ah, ben, c'est super, merci ma fille. Ah, ben, c'est super, merci. Voilà. Et puis je dis, ben, je te souhaite une bonne journée. Bon, j'ai raccroché. Et je me suis rendu compte, je suis sortie d'une croyance. Je suis sortie d'une croyance que mes parents ne pouvaient pas parler de la joie, qu'on parlait plutôt de rien d'ailleurs, enfin pas de trucs profonds quoi. Et là, ben, je me suis rendu compte que c'était une croyance, que je pouvais parler de ma joie et qu'elle était accueillie. Le bonheur, c'est maintenant, j'ai laissé tous mes soucis, nulle part aller. Présent.